Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, hier, dans la section entrevue de danrazosport.com, on a parlé à Mickey Sim à Washish, le joueur de Mastouillage qui a été échangé récemment par les Saguenayens au Drakkar de Baie-Comeau autour d'un choix de 10e ronde. Et dans un premier temps, ben, Mickey Sim à Washish est bien content de l'échange qu'il envoie à Baie-Comeau et le Drakkar entend quand même l'utiliser. Il explique le joueur natif de Mastouillage. On a mis Pierre Rioux, puis tout de suite après, je lui ai téléphoné, puis on, c'est sûr qu'on s'est parlé. Là, il disait qu'il avait fait mon acquisition parce que, ça, c'est pour lui, j'avais une place dans l'équipe. Okay. Il m'a dit de revirer de bord, puis de me diriger dans Baie-Comeau à la place de Montréal. Fait que, c'est sûr, il disait que pour ce qui était de l'équipe où il y avait des joueurs qui avaient été retranchés. Puis il y avait des joueurs avec lesquels tu sais que ça faisait pas leurs affaires puis qui voyaient plus moi dans ces spots là parce que moi j'ai comme je faisais leurs affaires puis considérant l'équipe qu'on a, les joueurs qui sont présents, mais je pense pas que c'est une équipe en construction totale. Dans un deuxième temps, Mickey Sim à Washish parle de qui ne sait pas encore quelle sera son utilisation avec le Drakkar. En fait, pas avec moi, on n'a pas abordé le sujet avec moi. C'est sûr que pour l'instant on est 12 attaquants plus un russe qui va arriver dans les prochains jours, je crois, qui restait juste assez ça à valider des choses avec son visa. Puis on est 13 attaquants. Puis okay. Là, ben, en commençant l'année, je sais pas s'il va y avoir nécessairement un 13e. Peut-être que ça va juste être 13 attaquants qui vont rouler sur 4 trios, je sais pas. Ligue de Balmoule de Robertval, il y avait des matchs qui se jouaient mardi soir. Donc d'abord, faites noter que victoire de Saint-Hubert 5-3 sur Megavac, Zodiac 14, Garma 2, et Pierre-Tourroussel a défait le Saint-Hubert 12-0. Et en terminant, ben, notre collaboratrice Caroline Delisle sera sa troisième participation au Jeu du Canada qui va avoir lieu à Niagara l'an prochain. Donc Caroline Delisle a mentionné au Journal Le Quotidien qu'elle était très contente d'accepter encore une fois ce nouveau défi. Le sport local et régional à danradiosport.com.